السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان، خلق الإنسان وابتلاه باللسان، وعلمه الفصاحة والبيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، القائل: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أما بعد، après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sujet de cette conférence est: fais-tu réellement jeûner ta langue? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وطعامه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui ne délaisse pas le mensonge, les mauvaises paroles et les mauvaises actions, les transgressions, Allah n'a que faire qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. C'est-à-dire que le but du jeûne n'est pas de se torturer par le délaissement des choses désirées par l'âme, mais c'est d'atteindre la piété, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous le dit dans le Coran lorsqu'il nous enseigne la sagesse et le but ultime du jeûne: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne tout comme il l'a été aux gens avant vous, à ceux qui étaient avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le jeûne n'est donc pas la simple abstention ou abstinence de boisson, de nourriture et de rapport avec l'épouse. Mais c'est plus profond que cela, plus pur que cela. C'est le délaissement de tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'éduquer sur la piété et de bonnes habitudes, de blanchir ses feuillets de péché et de remplir ses feuillets de bonnes actions, d'alourdir sa balance et de prendre ses provisions dans ce bas monde afin de pouvoir acheminer vers le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, son agrément et l'élévation dans les hauts degrés du paradis. Ainsi, parmi les sujets les plus importants à traiter, de manière générale et plus particulièrement pendant le mois de Ramadan, c'est le jeûne de la langue. Le jeûne de la langue. Le fait de préserver sa langue de toute mauvaise parole. Et le shir Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi, rahimahullah ta'ala, le yéménite, qui est décédé il y a quelques années, a écrit un livre qui s'intitule Wujubu Hifz al-Lisan. Wujubu Hifz al-Lisan. Nous allons lire certaines parties de ce livre. Il loue Allah subhanahu wa ta'ala, le noble, celui qui fait don de ses grâces. Il a créé l'âme et l'a éprouvé par la langue, lui a enseigné l'éloquence et comment s'exprimer. Puis il a attesté qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah seul sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, celui qui a dit: la foi de la personne ne sera pas droite, la foi du serviteur ne sera pas droite, tant que son cœur ne le sera pas, et son cœur ne le sera pas tant que sa langue ne le sera pas. Donc la droiture de la langue amène la droiture du cœur qui amène la droiture de la foi. L'homme est en réalité par le contenu de son cœur et les mots prononcés par sa langue. Il doit donc réformer son cœur et faire des efforts pour préserver sa langue, afin qu'il soit préservé. Et s'il ne le fait pas, sa langue le fera tomber dans les pires situations. Et il doit se souvenir de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole. Il ne prononce pas une parole sans qu'il soit surveillé. Sans qu'il soit surveillé. C'est-à-dire qu'il y a avec lui des anges. Il y a avec lui des anges. Ainsi, ô combien nous avons besoin de préserver cette langue et de l'emprisonner de longues heures durant. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, chaque jour ou chaque matin, les membres s'en prennent à la langue et lui disent, crains Allah, nous sommes sous toi. Si tu observes la droiture, nous l'observerons. Et si tu t'égares, nous nous égarerons. Si tu suis les chemins de la tortuosité, nous le ferons également. Donc, c'est cette langue qui fait tomber les gens en enfer. C'est cette langue qui amène les soucis aux gens. C'est cette langue qui amène les fruits les plus amers et les plus nocifs. Par cette langue, Shaitan chasse le fils de Adam dans ses filets. Et très nombreux, c'est pour cela que très nombreux sont les versets qui traitent de la langue et nous avertissent contre les méfaits et les dégâts des mots. Et très nombreux sont les hadiths qui sont venus dans ce sens-là. Ainsi, celui qui dit du bien, il obtient la grande récompense. Celui qui se tait face au mal, il obtiendra le salut. Et il nous faut retenir notre langue pour ne pas dire une chose de laquelle nous devrons nous excuser demain. Et les pieux prédécesseurs avaient extrêmement peur du dégât des mots après avoir étudié le Coran, après avoir étudié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mentionnons certains versets du Coran au sujet de la langue. Dans Surat al-Baqara, Allah Azza wa Jal nous ordonne et nous dit « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا » et dites aux gens de bonnes paroles. Dans Surat al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ » Une parole convenable et un pardon accordé est meilleur qu'une aumône que l'on fait suivre de nuisance. Et certes, Allah est le riche, l'indulgent. Le riche est l'indulgent. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat al-Nisa, « Fattakou Allah wa koulou qawlan sadida » et craignez Allah et dites de paroles droites, dites de bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui se préservent des gens mais ne se préservent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Certaines personnes préservent leur langue lorsqu'ils sont au contact, lorsqu'ils sont en compagnie de personnes. Mais dès lors qu'ils se retrouvent avec leur assise privée, ils se mettent à parler selon ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils oublient qu'Allah est celui qui est Samir, Al-Raqib, Allam Al-Ghuyub. Allah est le connaisseur de toutes choses. Il est audient, il entend tout. Tabaraka wa ta'ala. Donc le croyant doit avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il s'exprime, il doit peser ses mots et réfléchir à ce qu'il dit. Est-ce que cette parole est pour lui ou contre lui? Écoutez la traduction des sens de ce verset. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas, que Allah n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner ce qu'ils font. Allah ne cesse de cerner ce qu'ils font. Donc, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans cette langue. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat al-Nisa, Allah nous dit « La khayra fi kathirin min najwahum » إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète. Sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit d'assister aux assises où il y a de mauvaises paroles. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. De cela, les savants nous disent qu'il n'est pas permis d'assister à une assise où le mal est prononcé. Il n'est pas permis d'assister à une assise de prêcheurs de l'innovation, de gens de l'innovation. Et s'il y a un besoin à prendre place auprès d'eux pour les conseiller aux autres, dès lors qu'il y aura de mauvaises paroles ou de la médisance aux autres, on sera dans l'obligation de se lever, de montrer notre désapprobation et de quitter l'assise. Allah nous dit dans Sourate Al-An'am, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et lorsque tu vois ceux qui conjecturent dans nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entrent dans un autre sujet. Et si le diable te fait oublier, après t'en être souvenu, ne reste pas avec les gens injustes. Dans Sourate Al-An'am, Allah nous dit: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et lorsque vous parlez, exprimez-vous avec justice, avec équité, même si c'est contre les proches. Et les pires paroles qu'il nous faut délaisser, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan, c'est le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion. Allah nous dit: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dit: Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparente que secrète, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit qu'ici Allah a mentionné les péchés dans un ordre croissant. Ainsi, le pire péché est de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. Parmi les pires péchés de la langue, il y a le fait de se moquer d'Allah, de se moquer de sa religion, de se moquer du prophète alayhi salatu wa salam, ou une chose rattachée à tout cela. Wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Un groupe de personnes ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam dans une expédition. Et parmi eux, il y avait des hypocrites. L'un d'entre eux a dit: « Ma rayna mithla qurra'ina ha'oula, akdhaba al-sunan, wa arghaba butunan, wa akdhaba inda al-liqa, wa ajbana inda al-liqa, ya'nuna rasulallah sallallahu alayhi wassalam ashab. » L'homme a dit: « Nous n'avons jamais vu de lecteurs comme cela, c'est-à-dire de savants du Coran et de la sunna comme cela. » Avec des langues aussi mensongères, des ventres aussi désireux d'être remplis, et aussi lâche lors de la rencontre d'avec l'ennemi. Ils entendaient par cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Un homme qui était dans cette assise a dit Kadhabt walakinaka munafiq. Tu mens, mais en réalité tu es un hypocrite. J'informerai assurément le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de tes propos. Allah a révélé ce verset. Et si tu les questionnes, donc à propos de leurs paroles, si tu les questionnes, ils diront, nous ne faisons que plaisanter. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets, de son messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru. Donc la moquerie sur la religion d'Allah, sur l'islam, sur les versets, sans aucun doute, fait sortir de l'islam qu'Allah nous en préserve. قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Dit ceux qui profèrent des mensonges à l'égard d'Allah ne réussiront jamais. Après cela, parmi les pires paroles, les mauvaises paroles adressées à ceux qui ont le plus grand droit sur nous, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens, ce sont les parents. Allah dit dans le Coran, dans Surah Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dans sourate l'Isra, on nous montre, après le droit d'Allah Azza wa Jal, le droit des parents, et comment il convient de s'adresser à eux. Et comment il convient de s'adresser à eux. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bienfaisance envers les parents. Si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent un âge avancé, ne leur dis pas ouf. Ni la plus petite des paroles comprenant une nuisance minime, c'est ouf. Allah nous l'interdit envers les parents. Il nous interdit d'être rudes envers eux, de faire des gestes brusques devant eux. Et il nous ordonne de leur donner que, ou bien de s'exprimer avec eux, que de la meilleure manière. Il nous ordonne d'être humbles envers eux et d'invoquer Allah Azza wa Jalla en leur faveur. Ô Seigneur, fais leur miséricorde tout comme ils nous ont éduqués étant petits. Allah Azza wa Jalla donne un ordre général. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Inna shaytana yanzaru baynahum. Car le diable sème la discorde parmi eux. Inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Un ennemi déclaré. Parmi les paroles les plus graves, il y a les accusations à l'encontre des femmes. Les accusations dans l'honneur des femmes. Le fait de dire que telle femme va avec des hommes, telle femme commet telle et telle action. Les accusations mensongères. Afin les accusations mensongères à l'égard des femmes chastes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surah An-Nur, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah Azza wa Jal nous parle de ceux qui accusent les femmes chastes. Et nous montre que celui qui accuse un homme et une femme d'avoir commis l'acte, s'il n'y a pas 4 témoins affirmant avoir vu l'homme dans la femme, ces gens-là sont les menteurs chez Allah. Ces gens-là sont les pervers dans la religion. Ces gens-là sont égarés, on ne doit plus accepter leur témoignage. Et Allah Azza wa Jal nous mentionne leur punition dans ce bas-monde. Exception faites et dans l'au-delà, exception faite de ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis plus loin, Allah azza wa jalla mentionne la position du croyant lorsqu'il entend les accusations mensongères. Non appuyées de preuves acceptées par Allah azza wa jalla et mentionnées par Allah dans le Coran. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Toi, mon frère, toi, ma sœur, si on t'accuse de ce péché-là, la fornication, alors que tu es chaste, quel ressenti aurais-tu eu? Est-ce que tu penses de toi-même que tu vas commettre cet acte? Non. Ben de la même façon, tu dois avoir une bonne opinion des autres croyants. Et ici, il s'agit de l'histoire de la mère des croyants. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète, alayhi salat wa salam, la véridique fille du très véridique. La très véridique fille du très véridique. Allah Azza wa Jal nous montre plus loin que c'est un péché gravissime qu'il ne faut pas minimiser et que le musulman doit protéger l'honneur de ses frères et sœurs. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, ceux qui répètent ces calomnies sur les femmes chastes, ils n'ont pas de preuve en réalité. Et ici, il s'agit d'Aïcha radiallahu anha. Et vous le comptiez comme un insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, cela est énorme. Et pourquoi lorsque vous l'entendiez, vous ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler. Exempt soit Allah de tout défaut, c'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Plus loin, Allah nous dit « Inna alladhina yarmouna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi d-dunya wal-akhirah wa lahum azabun azim. Yawma tashhadu alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. » Écoutez la gravité de la situation. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, distraites dans le sens elles ne pensent même pas au péché. Et croyantes, ceux qui parlent sur ce genre de femmes, sont maudits, ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce péché gravissime touchait à l'honneur du croyant, de la croyante, dans ce sujet ô combien délicat et extrêmement grave chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les péchés gravissimes de la langue, il y a le fait de dire dans la religion, ça c'est halal, ça c'est haram, sans science. Allah nous dit dans le Coran, dans surat al-Nahl, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Passons maintenant à des péchés qui sont très répandus, très minimisés, et qui sont les fruits, et qui sont les jus de fruits des assises de beaucoup de personnes, malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hujurat nous parle de la médisance, nous parle de la moquerie, nous parle de ces défauts gravissimes de la langue qui font partie des grands péchés et qui pourtant sont consommés par bon nombre de personnes. Ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismu al-fusuq ba'da al-iman. وَمَنْ لَمْ يَتُوبَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Dans Sourate Al-Hujurat, le verset 11 et le verset 12. Mémorisez-les, étudiez-les. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, qu'il ne se moque pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Ces gens sur qui tu parles et de qui tu te moques, peut-être qu'ils sont meilleurs que toi. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ô vous les femmes, craignez Allah tabaraka wa ta'ala dans votre langue. Et dans vos assises, et dans vos appels téléphoniques, souvenez-vous qu'Allah Azza wa Jal vous entend. Allah Azza wa Jal vous surveille, et vers lui se fera votre retour. Repentez-vous de la médisance. Repentez-vous de la moquerie à l'égard de vos sœurs en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quelle que soit la cause de la divergence, préservez vos langues. Préservez vos hasanat yawm al-qiyamah. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas dans notre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Les surnoms désagréables, le fait de se moquer avec certains mots, na'am, et la, yani le fait de dire des surnoms désagréable. Allah nous interdit cela dans le Coran. Allah nous interdit cela dans le Coran. Tu dis à l'égard des musulmans et des musulmanes, ou à l'égard de ton frère Fillah ou de ta sœur Fillah, tu lui donnes un surnom pour te moquer d'elle, pour te moquer de lui. Ceci est haram. Ceci est haram. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, sous la traduction des sens de la suite de cela, quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Évitez les soupçons. Évitez la plupart des soupçons, car une partie des soupçons est péché. Une partie, celles qui ne sont pas fondées, ou ceux qui ne sont pas fondés, ceux sur lesquels il n'y a pas d'indice, comme explique Ibn Baz, rahimahullah. Et n'espionnez pas. Et ne médisez pas les uns des autres. Allah vous interdit la médisance. Allah vous interdit l'espionnage. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant repentir, très miséricordieux. Celui qui mange, celui qui parle sur son frère en son absence, celle qui parle sur sa sœur en son absence, en des termes qui lui déplairaient si elle avait été présente, mange sa chair, elle mange son sang, elle mange sa viande. A'oudhu billah. Voyez-vous cette image? C'est la réalité de la médisance. Rappelez-vous, le verset dans Sourate Al-Qaf, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Prêt à l'inscrire. Il s'agit de l'ange. Et rappelez-vous la parole d'Allah dans Sourate Al-Humaza. Wailu li kulli humazatil lumaza. Malheur à tout calomniateur diffameur. La calomnie, c'est le fait de parler sur des gens en leur absence, en mentant sur eux. La médisance, c'est en disant la vérité. Déjà, c'est haram, c'est un grand péché. Que dire alors de la calomnie? Le fait de mentir sur des gens en leur absence. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Voici quelques versets sur notre sujet. Quant aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont extrêmement nombreux. Ils sont extrêmement nombreux. Nous allons citer ce qu'Allah Azza wa Jalla nous facilitera ici. Selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yadhman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adhman lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Ainsi, celui qui préserve sa langue aura fait une cause pour entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte le Bukhari Muslim sur Abu Huraira, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Abu Huraira nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al kalimatu tayyiba sadaqa. La bonne parole est une aumône. La bonne parole est une aumône. Abu Huraira nous rapporte, selon le Bukhari, Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. La yulqi laha balan yarfa'u Allah biha daraja. Wa inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, le serviteur prononce une parole qui lui amène l'agrément d'Allah, alors qu'il ne l'avait pas mesuré ainsi. Par celle-ci, Allah l'élève en degré. Et certes, le serviteur prononce une parole à travers laquelle il a la colère d'Allah, sans la mesurer ainsi. Par celle-ci, il tombe dans les profondeurs de l'enfer. Le même hadith avec « il tombe en enfer » d'une distance plus lointaine que l'espace qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, apporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans l'autre hadith, il tombe en enfer pour 70 automnes. Tous ces textes nous montrent quoi? Le premier hadith nous montre que de préserver sa langue est une cause pour entrer au paradis. Le deuxième hadith nous montre que lorsque la foi du serviteur est forte, il dit du bien ou il retient sa langue. Le troisième hadith nous montre que celui qui utilise bien sa langue dans chaque parole, il a une aumône. Et le quatrième hadith nous montre qu'il faut faire attention à ce qui sort de la langue, à ce qui sort de la bouche. Car on peut avoir l'agrément d'Allah ou la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se peut que la personne, en prononçant une parole, reçoive la colère d'Allah jusqu'à Yom al-Qiyamah. Je vous ai dit, la langue a une portée très grave. La langue est une chose extrêmement dangereuse, il ne faut pas minimiser ses dégâts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Ahmed, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah et d'autres, et Charles Albani nous dit qu'il est authentique. Selon Bilal ibn al-Harith, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna ar-rajula لا تكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. L'homme prononce une parole qui lui amène l'agrément d'Allah, le très haut. Il ne pensait pas qu'elle lui ferait atteindre ce stade. Allah lui écrit, lui inscrit son agrément jusqu'au jour de la résurrection. Et certes, l'homme prononce une parole dans laquelle il y a la colère d'Allah le Très-Haut. Il ne pensait pas qu'elle atteindrait ce niveau-là. Ou qu'elle atteindrait ce niveau-là. Par celle-ci, Allah lui écrit, lui inscrit sa colère jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah. Subhanallah, les dégâts des mots. Celui qui préserve sa langue aura complété son islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi » Les musulmans, le musulman, est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa main et de sa langue, ou de sa langue et de ses mains. Hadith Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma, rapporté par le Bukhari Muslim. Donc, si tu es un vrai musulman, si ton islam est complet, les musulmans doivent être à l'abri de tes mains et de ta langue. Et parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Harith ibn Hisham, Amlik alayka lisanak. Contrôle ta langue. Contrôle ta langue. Charles Bani nous dit que ce hadith est sahih. Et dans le hadith de Uqbat ibn Amir, radiallahu anhu, j'ai dit au messager d'Allah, Man najah, qu'est-ce que le salut? Comment être sauvé au messager d'Allah? Qala amlik alayka lisanak wal yas' kabaytuk wabki ala khati'atik. Imam Tirmidhi nous rapporte ce hadith. Le prophète sallam a répondu à Uqba ibn Amir, contrôle ta langue, que ta maison te suffise, et prie, et pleure sur tes péchés. Pleure sur tes péchés. Rapporté par l'imam Tirmidhi, Charbani nous dit qu'il est authentique. Sachez que la plupart des péchés sont à cause de la langue. Sont à cause de la langue. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, est monté sur As-Safa. Il a pris sa langue et a dit, « Ya lisan, ô langue, qul khayran taghnam, dis du bien, tu obtiendras la récompense. Tu obtiendras le butin. Waskut an sharrin taslam. Et retiens ta langue, et retiens-toi devant le mal. Tu obtiendras le salut. Min qabli an tandam. Avant de regretter. Thumma qal. Puis il a dit. Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Aktharu khataya bni Adam fi lisani. La plupart des péchés, des fautes du fils de Adam viennent de la langue. Viennent de la langue. Rapporté par At-Tabarani fil Kabir, ou Al-Bayhaqi fil Shu'ab. Al-Albani a dit que le hadith est Hassan. Si la plupart des péchés du fils de Adam sont avec la langue, quelle est notre obligation? On doit faire attention à notre langue. On doit surveiller notre langue. On doit réfléchir avant de parler. On doit réfléchir avant de parler. On doit contrôler le débit des mots. Sélectionner nos phrases et nos paroles. Les gens sélectionnent leurs tenues, leurs vêtements, la nourriture à préparer, ce qu'ils veulent manger, ce qu'ils achètent, ce qu'ils choisissent. Mais ils ne sélectionnent pas leurs paroles, sauf ceux à qui Allah Azzawajal a fait miséricorde. Car ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas sensibilisés à la gravité et aux effets des paroles prononcées. Donc Allah fasse miséricorde à celui qui fera le rappel à sa propre personne et aux autres, et qui propagera ces textes-là. Anas ibn Malik, radiallahu an, nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man kaffa ghadabahu, kaffa Allahu anhu azaba, wa man khazana lisanahu, satara Allahu awrata. » وَمَنِ اَعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرًا. Écoutez ce beau hadith. Et ils le sont tous. Celui qui retient sa colère, Allah retiendra son châtiment. Allahu Akbar. Tu es en colère contre ton ami, tu es en colère contre ton épouse, tu es en colère contre ton enfant. Tu retiens cela. Allah subhanahu wa ta'ala t'épargnera son châtiment. Toi, tu avais la capacité de déverser ta colère. Tu l'as retenue pour Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a la capacité de te châtier, mais il va retenir sa punition sur toi. Deuxièmement, celui qui retient, qui enferme sa langue, Allah couvrira ses défauts. Allah couvrira ses défauts. Ce qu'il n'aimerait pas voir paraître de lui, de sa personne. Troisièmement, celui qui s'excuse auprès d'Allah, Allah acceptera ses excuses. Allah acceptera ses excuses. Ce hadith est rapporté par Abu Ya'la. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, l'a mentionné dans Silsilat al-Sahiha, Silsilat al-Sahiha. Je répète le hadith. C'est le hadith de Anas ibn Malik. Man kaffa ghadaba, kaffa Allahu anhu azaba. Celui qui retient sa colère, Allah retiendra sur lui son châtiment. وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Celui qui enferme, celui qui conserve sa langue, Allah couvrira ses défauts, ce qu'il n'aimerait pas voir paraître. وَمَنْ اِعْتَذَرَ إِلَى اللَّهُ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ. Celui qui s'excuse auprès d'Allah, Allah acceptera ses excuses. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte l'imam Ahmed et a authentifié l'Albani rahmatullahi alayhi, Man samata naja. Mémorisez ce hadith et notez-les. Je le répète trois fois pour qu'il soit noté, mémorisé et propagé. Selon Abdullah ibn Amr. Selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, man somata naja, celui qui observe le silence obtiendra le salut. Celui qui observe le silence obtiendra le salut. Rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par l'Albani dans As-Silsilatu Sahiha. Le numéro du hadith, 536. As-Samt, c'est plus spécifique que As-Sukut. Se taire et observer le silence, c'est différent. La personne se tait, elle n'a pas forcément la capacité de s'exprimer, elle n'a pas forcément à dire. Mais As-Samt, c'est le fait d'observer le silence malgré la capacité à s'exprimer. Donc c'est un silence volontaire. C'est un silence intelligent. C'est un silence recherché. Et les pieux prédécesseurs apprenaient à observer le silence. Omar est entré un jour chez Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Il tirait sa langue. Il l'a trouvé en train de tirer sa langue. Faqala Omar mah. Omar radiallahu anhu lui a dit, que se passe-t-il? Que t'arrive-t-il? Ghafarallahu lak, qu'Allah te pardonne. Faqala lahu Abu Bakr. Abu Bakr lui a répondu, Inna hadha awradani sharra al-mawarid. Abu Bakr radiallahu anhu lui a répondu, c'est elle qui m'a fait tomber dans les endroits les plus périlleux. C'est elle qui a causé ma perte. C'est elle. C'est à cause d'elle tout ça. C'est-à-dire ma langue. C'est ma langue qui m'a entraîné dans de mauvaises postures, qui m'a mis dans de mauvaises postures. Rapporté par l'imam Malik et Al-Bayhaqi. L'imam Al-Bayhaqi l'a rapporté dans une autre variante. Il a ajouté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. Le hadith suivant nous montre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lors de l'ascension, lors de la nuit du voyage nocturne. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, lama araja bi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lama araja bi rabbi azza wa jal, marartu bi qawmin lahum azfarun min nuhas, yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, fakultu man haulai ya Jibril, قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أحمد. قال الألباني صحيح. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque mon Seigneur me fut monté, c'est-à-dire lors de l'ascension, je suis passé près d'un groupe de personnes ayant des ongles de cuivre, portant des ongles de cuivre, ou ils avaient des, yani, ayant des ongles de cuivre. Ils se griffaient le visage et la poitrine. J'ai donc dit, qui sont-ils? Qui sont ces gens-là, ô Jibril? Il répondit, ces gens-là sont ceux qui mangent la chair des gens. Ces gens-là sont ceux qui mangent la chair des gens et entachent leur honneur. Et entachent leur honneur, ils tombent dans leur honneur. Ils nuisent à leur honneur. Rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud, et Cheikh Al-Albani a dit qu'il est authentique. Allahu Akbar. Allahu Akbar, le châtiment prévu à ceux qui ne retiennent pas leur langue, à ceux qui parlent sur leurs frères et sœurs, à ceux qui nuisent à leur honneur, pensant que c'est une action banale, alors que c'est un grand péché, alors que c'est gravissime chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ وَعَلَيْكَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh: tu ne cesseras d'être en paix tant que tu observes, tant que tu te tairas. Tu ne cesseras d'être en paix tant que tu te tairas. Dès lors que tu parleras, ça sera inscrit pour ou contre toi. Pour ou contre toi. Si tu dis du bien, c'est pour toi. Si tu dis du mal, c'est contre toi. Rapporté par Ibn Abi Shayba dans Kitab al-Iman, Tabarani dans Al-Kabir, Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a jugé comme étant Hassan li-Ghayri. Dites du bien, vous obtiendrez le butin, la récompense, la réussite. Et taisez-vous face au mal, vous serez en paix. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Ubadat ibn Samit. Al-Albani nous dit qu'il est sahih. Parmi les choses qui aident à préserver sa langue, c'est le fait de faire ad-du'a. Shakl ibn Humayd radiallahu anhu le dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. شكل ابن حميد nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: dis, ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le mal de mon ouïe, contre le fait d'écouter les mauvaises choses, contre le mal de ma vue, contre le mal de regarder les mauvaises choses, contre le mal de ma langue, c'est-à-dire de dire les mauvaises choses, contre le mal de mon cœur et contre le mal de mon liquide, c'est-à-dire le mani. Authentifié par l'Albani, rapporté par Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Al-Nasa'i. Cheikh Mughbir, rahimahullah ta'ala, me dit que ce hadith est hassan. Parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Anas ibn Malik: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَطُولِ الصَّمْتِ فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا تَجَمَّلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا. Écoutez ce hadith magnifique. Anas ibn Malik nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, prends soin d'observer le bon comportement. Prends soin de toujours avoir un bon comportement. Efforce-toi de toujours avoir un bon comportement. La deuxième recommandation, observe souvent le silence. Observe longuement le silence. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Les gens ne s'embellissent pas par meilleur que ces deux choses-là. Le bon comportement, c'est-à-dire le bon comportement, et le fait d'observer longuement le silence. Rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, Abu Ya'la et autres. Al-Bani nous dit que le hadith est Hassan. Et dans beaucoup de hadiths, le prophète alayhi salatu wa salam a mentionné les bonnes paroles avec le fait de nourrir les gens. Alayka bi husnil kalam wa badhli ta'am. Par exemple, dans le hadith de Hani ibn Yazid, prends soin de prononcer de bonnes paroles et de nourrir les gens. Hadith dans l'Adab al-Mufrad de Al-Bukhari, Al-Bani dit que le hadith est sahih. Écoutez ce hadith. Abu Sa'id radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ida asbaha ibn Adam, fa inna al-a'dha kullaha tukaffiru al-lisan, fa taqul, ittaqillaha fina, fa inna ma nahnu bik, fa in istaqamta, istaqamna, wa in i'wajajta, i'wajajna. Rawahu al-Tirmidhi wa hassanahu al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Tirmidhi, jugé bon par Al-Albani, rahimahullah. Lorsque le fils de Adam arrive au matin, l'ensemble de ses membres s'adresse ou l'interpelle. Ou plutôt l'ensemble de ses membres interpelle la langue. S'adresse à la langue. Et lui disent, crains Allah envers nous, car nous sommes sous toi. Si tu observes la droiture, nous l'observerons. Et si tu penche, nous pencherons. Si tu t'égares, nous nous égarerons. Ni littéralement, si tu n'avances pas droit, nous n'avancerons pas droit. Les défauts de la langue font partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour sa communauté. Pour les compagnons, que dira alors de nous? Sofiane ibn Abdillah Thaqafi, radiallahu anhu, nous dit, j'ai dit au message d'Allah, qu'est-ce que tu redoutes le plus pour moi? Il a pris sa propre langue, puis a dit cela. Rapporté par At-Tirmidhi ibn Majah et autres, authentifié par l'Albani, rahimahullah. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, est un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit, Inna Safiyata imra'atun wa qalat biyadiha hakadha, yani qasira. Faqal laqad mazahti bi kalima law mazajti biha ma' al-bahr la muzij. Akhrajahu at-Tirmidhi, qala al-Albani sahih. Aïcha radiallahu anha nous dit, j'ai parlé sur une personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait, même si on m'avait donné telle et telle chose. J'ai dit au messager d'Allah, certes Safiya est une femme comme cela. Elle a fait un geste avec sa main pour dire qu'elle est petite de taille. Donc elle a dit de sa co-épouse Safiya radiallahu anha qu'elle est comme ceci, c'est-à-dire petite de taille. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, tu as plaisanté en prononçant une parole. Si elle avait été mêlée à la mer, elle aurait changé son goût. Elle l'aurait altéré. Subhanallah. Faire un geste de la main pour dire que telle Personne n'est petite. Pour nous, c'est rien. Pour nous, c'est minime. Pour nous, ça n'est pas grave. Mais regardez l'éducation du prophète, alayhi salatu wassalam, donnée à ses bien-aimés, donnée à sa communauté, donnée à son épouse préférée, radiallahu anha. Tu as plaisanté en disant une parole. Si elle avait été mêlée à l'eau de la mer, elle l'aurait altérée, elle l'aurait changée. Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par l'Albani. S'il en est ainsi pour cette simple parole prononcée par Aïcha radiallahu anha, qui n'aurait touché personne parmi nous, que dire alors des paroles prononcées par les femmes au jour d'aujourd'hui? Que dire alors des paroles prononcées par les femmes au jour d'aujourd'hui? Voulez-vous être du nombre des meilleurs croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Amr: Afdalul mu'minin islaman, ou avoir le meilleur islam, Afdalul mu'mina islaman, man salima al muslimuna min lisani wa yadi. Wa afdalul jihad, man jahada nafsahu fi dhatillah. Al hadith. Qala al albani fi silsila sahih. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Le meilleur croyant en matière d'islam est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa main, de sa langue et de sa main. Et le meilleur effort est l'effort contre sa propre personne pour la cause d'Allah. Passons à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la communauté dans le hadith de Ubadat ibn Samit et l'intervention de Mu'adh. Le prophète alayhi salat wa salam a fait un geste vers sa bouche et a dit: As-samtu illa min khayr. Observe le silence, ou bien l'observation du silence, sauf pour dire du bien. Mu'adh a dit: Hal nu'akhadhu bimana takallamat bi al-sinatuna. Est-ce qu'on sera saisi, châtié, puni pour ce que nos langues ont dit? قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ معاذ. Le prophète sallam a tapé la cuisse de Muaz et a dit: Ya Muaz, thakilat ka ummuk. Ô Muaz, que ta mère te perde. Wa hal yakubbu an-nas ala manakhirihim fi jahannam illa lima nataqat bihi al-sinatuhum. Est-ce que les gens vont tomber fasse la première en enfer, si ce n'est à cause des choses prononcées par leur langue. فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ عَنْ شَرٍّ قُلُوا خَيْرًا تَغْنَمُوا وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍّ تَسْلَمُوا. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise face au mal. Dites du bien, vous obtiendrez le butin. Taisez-vous face au mal, vous serez en paix. Rapporté par Al-Hakim, authentifié par l'Albani, rahimahullah. Voyons la description faite par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que faisait-il avec sa langue sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah ibn Abi Awfa radiallahu anhu nous dit: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru dhikra wa yuqillu l'aghwa. ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف ولا يستكبر ويمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup de dhikr. Il avait peu de verbiage, si la traduction est bonne. Il n'était pas dans les paroles futiles. Il allongeait la prière. Il écourtait le prêche. Et il ne s'enorgueillissait pas, il ne se voyait pas trop grand pour marcher avec la femme veuve. Et ni dans son besoin ou autre, il s'occupait de la femme veuve, il lui donnait du temps. Pareillement pour les pauvres et pour le servant. Le prophète sallam donnait du temps à la femme veuve, aux pauvres, aux aux servants jusqu'à remplir leurs besoins. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Nasa'i al-Hakim et autres, authentifié par l'Albani rahimahullah. Quant à Jabir ibn Samura, nous le décrit en disant Tawil al-Samt, Qalil al-Dahik. Il observait souvent le silence et il riait peu. Rapporté par Ahmed, authentifié par l'Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Thauban, Touba liman malakana lisana. Bonne nouvelle à celui qui retiendra sa langue. À celui dont la maison sera suffisante et qui pleurera pour ses péchés. Apporté par At-Tabarani, jugé bon par l'Albani rahimahullah. Abdullah ibn Saoud a dit au messager d'Allah, quelle est la meilleure action? Il lui a dit la prière à l'heure. Ensuite, au messager d'Allah, il a dit que les gens soient à l'abri de ta langue. Allahu Akbar. Que les gens soient à l'abri de ta langue. Au jour d'aujourd'hui, si tu conseilles à un musulman, mets à l'abri les gens de ta langue, il s'énerve. Il s'énerve. Il n'accepte pas le conseil. Et il dit, est-ce que moi je parle mal? Est-ce que moi je mange la chair des gens? Est-ce que, subhanallah, la recommandation du prophète sallam, oui, nous avons des défauts de la langue. Oui, nous commettons des péchés avec nos langues. Oui, nous sommes faibles. Oui, nous sommes pécheurs. Mais il nous faut faire l'effort de corriger cette langue. Et il nous faut nous repentir pour les péchés commis dans le passé. Et il nous faut, yani, faire attention pour notre présent et notre futur. Wa billahi tawfiq. À ceux qui insultent, à ceux qui minimisent le mauvais comportement avec cette langue. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Abdullah ibn Saoud, si babul muslimi fusuq wa qitalu kufr, insulter le musulman, c'est de la perversion. Et l'assassiner, c'est une mécréance. C'est du kufr asghar. Insulter un musulman, c'est du fisq, c'est de la perversion. Si tu insultes les musulmans, tu deviens fasiq, pervers. Wal'iyadu billah. Sofiane ibn Abdullah al-Thaqafi a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ayyu shay'in attaqi. Fa'ashara biyadi ila lisani. Ô messager d'Allah, contre quelle chose devrais-je me prémunir? Le prophète a montré sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré sa langue, rapporté par Ahmed. Allah al-Musta'an. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu nous dit. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min ahabbikum ilay wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Écoutez ce hadith. Parmi ceux que j'aime le plus parmi vous, parmi ceux qui auront la place la plus proche de moi le jour de la résurrection, ahasinukum akhlaqa. Ceux qui parmi vous ont le meilleur comportement. قال المتكبرون أخرجه الترمذي قال الألباني صحيح الثثارون كثير الكلام Parmi les plus détestés auprès de moi, les plus éloignés de moi le jour de la résurrection, الثثارون, c'est ceux qui parlent beaucoup sans que ce soit profitable. Les orgueilleux et ceux qui parlent beaucoup sans que ce soit profitable font partie des gens détestés du prophète sallam, des gens éloignés du prophète sallam. Wallah al-musta'an. Donc, ceux qui parlent sans que ce soit profitable, avec abus, ceux qui parlent sur les gens, et ceux qui sont orgueilleux, sont détestés du prophète alayhi salatu wassalam et seront éloignés de lui. Savez-vous ce qui fait le plus entrer au paradis? Abu Rayra nous dit, le prophète sallam a dit, Taqwallah wa husnul khuluq. La piété et le bon comportement. Savez-vous ce qui fait entrer le plus en enfer? Abu Rayra nous dit, le prophète sallam a dit, Al-fam wa al-farj. La langue et la partie intime. Rapporté par At-Tirmidhi, jugé bon par Al-Albani rahimahumullah. Un hadith très sensible, particulièrement à notre époque. Un signal d'alarme qui a été prononcé il y a déjà plus de 1430 années. Plus de 1440 années. Abu Huraira nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte At-Tabarani, Al-Bani nous dit qu'il est hassanun li ghayri. إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا أي المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. Abu Huraira nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, notez ce hadith, apprenez-le, propagez-le. Appliquez ce qui est bon et évitez ce contre quoi on nous met en garde ici. Abu Huraira nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna habbakum ilayya ahasinukum akhlaqa al-muatti'una aknafa. Parmi ceux que j'aime le plus parmi vous, ou plutôt ceux qui parmi vous me sont le plus aimés, ceux qui parmi vous ont le meilleur comportement, ceux qui sont humbles et se rabaissent, ceux qui sont sociables, ou bien ceux qui sont ceux vers qui on aime venir et qui aiment venir vers les autres. Littéralement, ceux qui se font aimer au point où on penche vers eux, on aime les fréquenter, et ceux qui aiment les autres et penchent vers eux et les fréquentent. Et parmi ceux que je déteste le plus d'entre vous, ou ceux qui parmi vous sont le plus détestés auprès de moi, écoutez bien, El Mashaouna bin Namima, ceux qui marchent dans le colportage, ceux qui marchent en répétant les paroles des autres et des groupes pour semer la zizanie entre les deux groupes, ils écoutent un tel et répètent à un tel, elle écoute telle sœur puis répète à tel autre, comme ça, ça fait la zizanie, la dissension. Elle écoute tel groupe, puis répète à tel autre groupe. Comme ça, ça fait la dissension, ça fait la fitna. Ben, tu es celle qu'Allah déteste, celle que le prophète déteste le plus. A'oudhu billah. Donc, premièrement, ceux qui marchent dans le colportage. Elle écoute là, elle répète là. Il écoute là, il répète là. Deuxièmement, ou deuxième information, Al-mufarriquna bayna al-ahibba. Ceux qui divisent, ceux qui causent la division entre les bien-aimés. A'oudhu billah. L'homme aime son épouse, l'épouse aime son époux. Et tu vois que telle femme ou tel homme rentre dans ce couple et fait la fitna dans ce couple-là. Ça les divise. Ça met la haine dans le couple. Na'am. Au lieu de faire la réconciliation, au lieu d'aider à réparer les pots cassés, non. Elle ajoute des coups de massue. Elle aggrave et alourdit la situation. Elle l'exagère, quitte à mentir, en cachant le bien avéré. Elle sépare entre le chir et ses élèves. Elle sépare entre le frère et son père. Entre le frère, il y a rien entre le père et l'oncle. Entre les deux frères. Entre les deux sœurs. Entre les sœurs fil là, entre les frères fil là. Entre les savants et la communauté, entre le gouverneur et le peuple. Il divise entre les bien-aimés. Il sépare, il cause la division. Il cause la division. La troisième caractéristique mentionnée. Al-Multamisuna lil-Bura'a il-Aib. Ceux qui cherchent, ceux qui fouillent, ceux qui cherchent aux innocents des défauts et des fautes. La personne est innocente, mais il lui cherche de quoi l'accabler. Il cherche quoi dire sur lui pour l'accabler, pour le faire tomber, pour le salir, pour le discréditer. A'oudhu billah. Il marche dans le colportage, il divise entre les bien-aimés et il cherche les fautes et les défauts pour accabler les innocents. A'oudhu billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On voit cela à notre époque. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve et préserve les rangs des musulmans de ces hommes et ces femmes-là. Le jour dernier, celui qui n'aura pas pris en considération ces textes sera vraiment dans le jour des regrets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abu Huraira, « Atadruna man il mal muflis » Savez-vous qui est le ruiné? « Qalu al muflisu fina man la dirham la wa la mata'a » Ils ont répondu, « Le ruiné parmi nous est celui qui n'a pas d'argent et n'a pas de bien. » Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, « Inna al muflisa min ummati » يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Le ruiné de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des prières, avec des jeûnes, avec des zakats. Il viendra, mais il aura dénigrer un tel, insulter un tel. Il aura accusé de fornication un tel. Il aura mangé l'argent d'un tel. Il aura fait couler le sang d'un tel. Il aura frappé un tel. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ Alors il donnera de ses hasanats à un tel et à un tel, à tous ceux qu'il a opprimés. C'est-à-dire à tous ceux qu'il a opprimés. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ Et si ses bonnes actions s'épuisent avant qu'il se soit acquitté de ce qu'il devait. Ukhida min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Si ces hasanats sont épuisés, alors on prendra de leurs péchés pour les lui jeter jusqu'à ce qu'il tombe en enfer. Voyez-vous la gravité de la langue? Il a parlé sur un tel. Il a insulté, accusé un tel, à tort ou sans preuve. La finalité, c'est que Yom al-Qiyama, il donne ses hasanat. Yom al-Qiyama, on se décharge sur lui de péché jusqu'à ce qu'il tombe en enfer. Chers frères, chères sœurs, est-ce qu'on veut être dans cette situation Yom al-Qiyama? Non? Alors il faut commencer à se repentir. Il faut commencer à faire du zikr, à utiliser notre langue dans le bien. Il faut commencer à regretter. Il faut commencer à chercher ces gens qu'on a opprimés, leur demander pardon. Pour ne pas être dans cette mauvaise posture Yom al-Qiyama. Le fait de toucher à l'honneur du musulman, c'est gravissime. Le fait de toucher à l'honneur de la musulmane, c'est gravissime. Vous connaissez tous le péché al-riba, l'usure, les intérêts. C'est gravissime. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla leur déclare la guerre. Il y a des châtiments dans l'au-delà préparés pour ces gens-là. Ben, sachez que le prophète sallam nous dit, comme a rapporté Abu Huraira, dans le recueil d'El-Bazar et autres, authentifié par l'Albani, « Inna arba riba istitalatul mar'i fi irdi akhi » Parmi les pires formes de l'usure, ou la pire forme, est de toucher le musulman dans son honneur, de toucher ton frère dans son honneur. Parmi les recommandations du prophète alayhi salat wa salam à Abu Ayyub al-Ansari, ou bien que rapporte Abu Ayyub al-Ansari, un homme est venu à Dieu au messager d'Allah, Izni wa Aujiz, exhorte-moi avec des paroles courtes. Faqal, idha kumta fi salatika fa salli salata muaddi'a. Quand tu te lèves pour prier, prie comme si c'était ta prière d'adieu. Prie comme si tu allais mourir après cette prière. Wala tatakallam bi kalam ta'tadiu minhu ghadan. Écrivez cette parole, rahimanillah wa iyyakum. Et ne prononce pas une parole de laquelle tu auras à t'excuser demain. Et ne prononce pas une parole dont tu auras à t'excuser demain. Wajma'il al-iyas mimma fi aydinas, mimma fi aydinas, et désespère de ce qu'il y a dans la main des gens. Rapporté par al-Bukhari fi tarikh al-kabir, rapporté par Ahmed ibn Majah et autres, et al-Albani l'a mentionné dans Silsila, c'est le hadith 401. Parmi ceux qui auront la pire position auprès d'Allah, ou ceux qui ont la pire position auprès d'Allah, ou plutôt celui qui a la pire des places, la plus mauvaise place auprès d'Allah, celui que les gens évitent, celui que les gens abandonnent pour se préserver de ses mauvaises paroles. A'oudhu billah. On voit certaines personnes qui prient la nuit, qui font des aumônes, qui jeûnent, mais qui font du mal à leurs voisins avec leurs paroles, avec leur langue. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la visite d'un homme qui lui a dit au messager d'Allah: Inna fulana yuzkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha awwa na'am wa siyamiha ghayra anna tu'dhi jiranaha bilisaniha faqala hiya fi an-nar. Que la sœur qui prie et qui jeûne écoute ce hadith, si elle craint pas Allah dans sa langue. Un homme a dit au messager d'Allah: on mentionne telle femme de par ses nombreuses prières, ses nombreuses aumônes, ses nombreux jours jeûnés, si ce n'est qu'elle nuit à ses voisines de par sa langue. Elle importune, elle nuit à ses voisines avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de cette femme qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui fait beaucoup d'aumônes, mais qui nuit avec sa langue à ses voisines, elle est dans le feu. Elle est en enfer. Puis on lui a dit: ya Rasulallah, فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تتصدق بالأثوار من الأقد ولا تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد. قال الألباني صحيح. Puis on a dit au messager d'Allah: il y a une telle, on mentionne d'elle qu'elle jeûne peu, qu'elle fait peu d'eau, on la mentionne avec peu de jeûne, d'aumône, de prière, c'est-à-dire recommandée en plus. Et elle donne en sadaqa, très peu. Mais elle ne nuit pas avec sa langue. Elle ne nuit pas à ses voisines avec sa langue. Le prophète m'a dit: elle est au paradis. Apporté par al-Bukhari dans l'Adab Mufrad par Ahmed et autres, Shalabani dit qu'il est sahih. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, on fait un peu plus long aujourd'hui pour rembourser le jour d'hier. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit que le prophète salam est monté sur le minbar et s'est exprimé en élevant la voix: Ya ma'shara man aslama bilisani wa lam yufdi al-iman ila qalbi لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله خرجه الترمذي قال الباني صحيح Prophète sallam a élevé la voix sur le minbar et a dit « Ô vous, ô vous le groupe de personnes, s'étant soumis avec la langue, s'étant converti avec la langue, mais dont la foi n'a pas encore pénétré le cœur, ne nuisez pas aux musulmans. Et ne les critiquez pas. Et ne suivez pas leurs défauts. Car celui qui suit les défauts de son frère musulman, ou les fautes, Allah suivra ses fautes. Et celui dont Allah suit les fautes, il le dévoilera. Il le dévoilera. Et parmi les péchés commis avec la langue, et c'est devenu un métier, c'est devenu banal, c'est le fait de faire rire les gens en mentant. Les gens se propagent même cela. Le prophète, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi sur le Muawiyah ibn Haïda, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Waylul lilladhi yuhaddith fayakzib wa yudhika al-qawm » أو ليضحك القوم ويل الله ويل الله. Prophète sallam a dit, ce hadith est authentifié par ou bien jugé bon par l'Albani. Malheur à celui qui parle et il ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Il fait des blagues en mentant pour faire rire les gens. Ou il ment pour faire rire les gens. Une autre catégorie de personnes, ceux qui répètent tout ce qu'ils entendent, ceux qui transfèrent tout ce qu'ils reçoivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kafa bil mar'i ithman ay yuhaddith bi kulli ma sami'a. Abu Huraira nous dit comme rapporte Abu Daoud, il suffit à l'homme pour être considéré pécheur, ou ça lui suffit comme péché, qu'il répète tout ce qu'il entend. On est dans cette époque-là, subhanallah. Tout ce que les gens reçoivent sur leur téléphone, ils le propagent. Tout ce qu'ils entendent, ils le répètent. Ils ne vérifient pas, ils ne trient pas. Ils ne purifient pas leur cœur du mal, ils ne gardent pas le bien. Non. A'udhu billah. Et l'imam muslim le rapporte en ces termes-là. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma samia. Il suffit à l'homme pour être considéré comme étant un menteur, ou ça lui suffit comme mensonge, qu'il raconte tout ce qu'il entend. Qu'il raconte tout ce qu'il entend. Pour ceux qui débattent, pour ceux qui aiment le débat, pour ceux qui aiment la polémique, jusqu'à que ça amène des divorces dans les familles, jusqu'à que ça amène des scissions entre le frère et son frère, la sœur et sa sœur, subhanallah. Écoutez ce hadith. Abu Umama al-Bahili nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah li man taraka al-mira'a. » وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Je garantis une maison en périphérie du paradis pour celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison, et une maison au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même en plaisantant, et une maison plus haut du paradis pour celui qui a amélioré ou qui aura un bon comportement, qui aura parfait son comportement. Rapporté par Abu Daoud, jugé bon par Al-Albani, rahimahullah. Dans le hadith de Aïcha, rapporté par Al-Tabarani, jugé authentique par Al-Albani, le Prophète sallam nous dit six catégories. Celui qui les a, six catégories. Celui qui meurt en ayant une de celles-ci, Allah lui garantit l'entrée au paradis. Parmi ces six caractéristiques, écoutez. ورجل في بيتي لا يغتاب مسلما. Un homme qui est chez lui et il ne fait pas de médisance sur les musulmans. Il est chez lui, il ne fait pas de médisance sur les musulmans. Il ne leur apporte rien qui les met en colère. Authentifié par l'Albani, jugé, yani, Mada, mentionné par At-Tabarani. Pour ceux qui sont dans la dispute et qui deviennent grossier lors de la dispute, le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna abghadar rijal ila Allah al-aladul khasim. L'homme le plus détesté chez Allah est le disputeur acharné. Et lors de la dispute, il devient grossier et autres défauts encore apportés par Aïcha dans le Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé aux femmes et a dit Ya ma'ashar al-nisa, tasaddaqna fa inni raytukun akthar ahli an-nar. Fakulna bima ya Rasulallah, fakala tukthirna al-la'na, wa takthurna al-ashir, tukthirna al-la'n, ay sab, wa madha, takthurna al-ashir, takfurna al-ashir. Abu Saïd al-Khudri nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh, vous les femmes, faites beaucoup d'aumônes, ou faites des aumônes, car je vous ai vu la plupart des habitantes de l'enfer. Nous dîmes pourquoi au messager d'Allah? Il dit, car vous insultez beaucoup. Vous dites beaucoup de mauvaises paroles. Vous dites beaucoup de mauvaises paroles. Et vous êtes ingrates envers vos époux. Vous êtes non, vous n'êtes pas reconnaissante, vous êtes ingrate envers vos époux. Les compagnons ont compris ces textes et ça les a amenés à se prémunir. Ça les a amenés à se prémunir de leur propre langue. Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu nous dit, comme le rapporte At-Tabarani, وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُ, je jure par celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité. مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ شَيْءٌ أَحْوَجَ إِلَى طُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانٍ, il n'y a pas à la surface de la terre une chose nécessitant plus d'être emprisonné que la langue. Allahu Akbar. Allah al-Musta'an. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver du mal de nos langues. Tout comme nous lui demandons l'aide et l'assistance afin d'utiliser cette langue dans sa mention, dans son rappel et dans ce qu'il agrée. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صدقاتنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل لنا الحياة زيادة واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا وسددنا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من السحر والسحرة. اللهم إنا نعوذ بك من السحر والسحرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. أنت الشافي، أنت أكرم الأكرمين، وأنت على كل شيء قدير. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى، ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين. اللهم ادخلنا الجنة، اللهم نجينا من النار. اللهم ادخلنا الجنة، اللهم نجينا من النار. اللهم نجينا من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم سددهم ووفقهم وارحمهم يا رب العالمين. والله أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.